je m'ennuie. Sibérie dans ma vie, Sibérie tous les jours, Sibérie dans la cour. J'ai tant rêvé du fleuve amour. J'ai tant rêvé du fleuve amour. J'ai tant rêvé.